Maintenant, dans la deuxième partie, le thème, c'est « Comprendre sans réflexion ». Dans la première partie, on a goûté à un volume d'informations qui donne matière à réflexion pour certains. Et comment un individu, on en vient à se poser la question, comment un individu peut traiter avec de l'information qui vient de la source, souvent dans une sorte d'état où on est fortement ou hautement électrifié par cet impact d'information et ne pas réfléchir. Qu'est-ce qui se produit dans le processus de réflexion dans l'individu qui peut bloquer ou fracturer l'information qu'on reçoit d'une source comme la vôtre ou d'un autre? Qu'est-ce qui fait que l'individu réfléchit? Qu'est-ce qui fait que l'individu bloque l'énergie de sa source par le fait de la réflexion? La pensée humaine a un taux vibratoire. Donc, toute forme pensée a un taux de vibration qui est inférieur à celui de la communication avec les circuits universels. Puis, je parlais à quelqu'un hier qui me disait, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand on avait des computers, aujourd'hui on a des petits portatifs qui sont gros comme ça, puis qui font le travail de computer, il y a 20 ans, 25 ans, on s'apprenait à toute une chambre. Donc, au niveau de la pensée, c'est la même chose. Quand l'homme est en communication télépathique avec les circuits universels, ce qu'on appelle la pensée, qui philosophiquement est un phénomène nouménal, bon, mais ce phénomène nouménal-là cesse d'exister parce que la pensée est différenciée, c'est-à-dire qu'elle n'appartient plus à l'ego, parce que ce n'est plus l'ego qui peut la construire. Une fois, tant que l'ego est capable de construire sa pensée, autrement dit que la pensée lui appartient, qu'il la reconnaît comme étant sienne, il la colore avec ses émotions. Quand la pensée, ou ce qu'on appelle la pensée ou la communication, n'est plus formulée par l'ego, qu'il ne peut plus la reconnaître psychiquement comme étant sienne, à ce moment-là, la pensée passe, elle change de statut. Au lieu de posséder ou d'avoir un statut planétaire, elle a un statut universel. La seule différence, c'est qu'une fois que la pensée a un statut universel, la conscience qui l'anime, c'est-à-dire la vibration qui l'accompagne, c'est-à-dire la force qui la régit, ne peut plus être déplacée de sa conscience. Autrement dit, l'ego est mis en vibration, et quand il est mis en vibration, les paramètres qui constituent son ancienne pensée ou les paramètres qui constituent sa conscience planétaire sont mis de côté, et à ce moment-là, cette énergie-là, cette pensée-là, cette information-là, cette vibration-là, quand elle est canalisée à travers l'être, elle devient chez lui une force de frappe, c'est-à-dire une énergie en déplacement, une énergie qui déplace. Alors que la pensée, ce n'est pas une énergie qui déplace, c'est une énergie qui se réfléchit sur elle-même et qui maintient toujours en place les conditions de perception de l'ego. Tandis qu'un homme qui vit une pensée universelle ou une communication universelle, que ce soit sur le plan de la communication directe ou que ce soit sur le plan vibratoire, il est mis dans un mouvement, dans une dynamique de déplacement au niveau de sa conscience. Donc, il est obligé de fracturer la forme que la pensée réfléchie naturellement crée. Mais pour que l'ego puisse supporter ça, il faut qu'il s'habitue au cours de son évolution à être pénétré par cette énergie-là, soit directement au niveau de ses centres, ou soit directement ou indirectement à travers d'autres personnes qui l'ont, cette vibration-là, et qui vont l'habituer petit à petit à pouvoir raisonner au lieu de raisonner. Oui. Raisonner R-E au lieu de raisonner R-O-I. Mm-hmm. Donc, la différence fondamentale entre l'homme conscient puis l'homme inconscient, ou l'homme qui a une conscience vibratoire puis l'homme qui a une conscience réfléchie, c'est que l'homme vibratoire, c'est un homme qui, au niveau de sa pensée, résonne. Mais il résonne par rapport à des paramètres qui ne font pas ou qui ne sont pas connectés à ses émotions, mais qui font partie directement de sa lumière, qui, passant à travers sa conscience mentale, allume son âme, c'est-à-dire la force, en tant qu'entité incorporée, à se dissocier des aspects d'elle-même qui constituent, dans la totalité de son expérience, des mécanismes, ou qui créent, dans la totalité de son expérience, des mécanismes de sécurité fictifs. Dans ce que l'homme conscient, lui, il va raisonner cette énergie-là, et cette énergie-là, une fois qu'elle passe à travers sa conscience, ou ses corps, ou son corps mental, elle devient maîtresse, c'est-à-dire qu'elle devient la fondation de sa conscience. Donc, il ne peut plus raisonner R-A-I, il raisonne R-E-S, donc il est en vibration, et c'est à ce moment-là qu'il peut facilement accéder à des registres de vibration, c'est-à-dire à des niveaux vibratoires de lumière ou d'intelligence qui défient le raisonnement de la pensée raisonnée R-O-I. Maintenant, les gens sont habitués de raisonner. Quand vous parlez de raisonner dans le sens mis en vibration, il y a un effet de fracturation sur le raisonnement. Est-ce qu'il y a un rythme d'absorption d'un niveau de vibration ou d'un aspect de la vibration qui peut amener l'individu à se perdre dans sa raison, à perdre la raison même? Est-ce que la source a une gestion parfaite de ce qui doit être vécu chez l'individu? La source, oui. L'astral, non. Autrement dit, un individu qui est mis en vibration par sa source, il n'y a pas de danger. Même s'il vit une initiation solaire, puis il vit des grandes souffrances, whatever, pour la transmutation de ses corps, c'est toujours sa source qui est l'intelligence en arrière. Par contre, un individu qui vivrait des contacts télépathiques avec d'autres plans, qu'il pourrait considérer comme sa source, là, il peut avoir des problèmes. Est-ce qu'on peut être mis en vibration par l'astral, dans les mêmes registres que vous avez parlé de la source? Pas dans les mêmes registres, mais comme on n'a pas l'expérience, on n'a pas l'expertise, on a des voiles, on a des illusions spirituelles. Ce sont les illusions spirituelles de l'homme qui sont à la source du danger psychologique qu'il peut vivre par rapport à sa source. C'est pas la source elle-même. Je donne un exemple, un individu qui se lance à toute tête dans les sciences occultes, dans le yoga, dans n'importe quoi, d'occulte. Dans des registres de vibration qui ne sont pas contenus à l'intérieur de formes suffisamment stables et qu'il explore des domaines inusités dont il ne connaît pas les lois, ce sont ces individus-là éventuellement qui perdent contrôle de leur évolution psychologique. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que, je le répète, puis je l'ai toujours dit, puis je le dirai toujours, les sciences ésotériques ou les sciences hermétiques ou les sciences paranormales, tout ce qui est en dehors du fonctionnement psychologique naturel ou historique de l'homme, tout ce qui est parent et qui n'est pas greffé à lui, qui ne vient pas de lui, mais qui vient de l'extérieur de lui, c'est quelque chose qui, éventuellement, au cours de son évolution, il sera obligé lui-même d'ajuster. Si l'homme n'ajuste pas, puis qu'il gobe, puis qu'il gobe, puis qu'il gobe, puis qu'il gobe, à ce moment-là, l'homme risque de perdre son identité parce que, d'abord, il va perdre son identité au niveau des clubs de pensée dans son monde, ce que vous appelez des écoles, des églises de pensée. Donc, il va perdre son identité là. Puis, il risque aussi, en plus, dépendant de sa sensibilité, de son psychisme, dépendant jusqu'à quel point son corps astral est mis en vibration, il risque de perdre son identité au niveau des contacts télépathiques avec des formes astrales, des entités spirituelles. Donc, ça, c'est un autre danger. Puis, il n'est pas en position pour reconnaître ce qui se passe. Mm-hmm. C'est pour ça que les sciences occultes ou les sciences ésotériques, toutes les sciences marginales qui ne sont pas sous le contrôle de l'ego, qui ne sont pas parfaitement comprises ou explicables par l'ego inconscient, ces sciences-là, qui deviennent aujourd'hui une grande vogue dans le monde entier, surtout aux États-Unis, au Canada, ces sciences-là doivent être réellement mises en échec par l'homme. Pas mises en échec dans le sens d'être repoussées ou banalisées, mais mises en échec dans le sens que l'homme, faut que l'homme sache réellement ce qui se passe avec ça. Il y a des gens qui font du yoga, puis qui ouvrent leur centre psychique, puis éventuellement ils se débalancent, puis éventuellement ils perdent la carte. Fait que c'est pas le yoga qui est le problème, c'est pas la méditation qui est le problème, c'est pas ci ou ça qui est le problème, c'est la science que l'homme n'a pas qui est le problème. Mm-hmm. Donc il y a des individus qui font du yoga puis ça va bien, c'est bon, ça les ouvre à d'autres choses, c'est même plus loin. Il y a des individus qui font du yoga ou qui vont dans les sciences ésotériques puis éventuellement qui se boycottent. Puis d'ailleurs, une des meilleures mesures pour voir si un homme n'est pas affecté par les sciences paranormales dont il ne connaît pas totalement les aspects ou les lois, c'est de voir comment ce qu'il se comporte dans la vie. Dans quel sens? Dans le sens que l'homme est sujet au matériel de travail. Mm-hmm. T'as des alliances, l'homme ou la femme forme des couples. On a des enfants élevés. On travaille dans l'industrie. On a des responsabilités sociales, on a des comptes à payer, on a des dettes à payer. Autrement dit, il y a des paramètres psychologiques chez l'homme qui sont des facteurs déterminants de la mesure de son équilibre psychologique. Parce que quand un homme est capable de s'intéresser aux sciences ésotériques, aux sciences marginales, des sciences avancées, ainsi de suite, puis qui est capable de fonctionner, puis de continuer à enseigner à l'école, puis de continuer sa job chez Eaton, puis de travailler, puis de fonctionner comme avant, mais avec un agrandissement de ses perceptions, de ses études, à ce moment-là, c'est valable. Mais quand un homme commence à étudier ces sciences marginales-là, et qu'il perd le contrôle de son mariage, il perd le contrôle de ses enfants, il perd le contrôle de sa job, et finalement il finit comme un illuberlu ou un illuminé, puis le gouvernement est obligé de le récupérer sur l'assurance sociale, ou les psychiatres sont obligés de le récupérer à l'hôpital, des sciences ésotériques pour cet homme-là, c'est pas bon. Il est mieux de sortir de ça, puis mettre ça de côté, puis aller à l'église le dimanche, parce que c'est pas dangereux l'église le dimanche. Parce que quand tu commences à rentrer dedans, là, c'est un autre pain de manche. Puis il y a des lois occultes derrière ça. L'homme ne les réalise pas. Puis, fait qu'éventuellement, mais il se débalance, puis il perd la carte. À ce moment-là, ça, c'est un individu qui a été mis en vibration, mais dans un sens astral. Il est mis en vibration, il est astralisé. Puis il y en a beaucoup, il y en a des milliers dans le monde d'individus qui se font astraliser. Fait que le problème, c'est pas d'être mis en vibration à partir de sa source, c'est d'être mis en vibration à partir des plans ou de formes astrales, d'entités en forme astrale. Puis ça, l'homme, vous savez, c'est simplement depuis 69 qu'on commence à critiquer l'ésotérisme. Je parle pas de la science matérielle qui critique l'ésotérisme, ou les religions, ou les philosophies cartésiennes. C'est logique. Mais c'est seulement à partir de 69 qu'on commence à critiquer d'une façon objective l'ésotérisme, mettre des lumières rouges. Toutes les formes dangereuses d'études, de choses dont on ne connaît pas les lois. Puis ça a dû être fait depuis très longtemps, puis ça n'a jamais été fait. Fait qu'aujourd'hui, ben, on est rendu à ce point-là, puis il va falloir que l'homme s'ouvre à lui-même, plus qu'à ces sciences-là. Puis ensuite, quand l'homme se sera ouvert bien, bien à lui-même, que l'homme sera réellement en contact avec son intelligence, sa source, et qu'il regardera ces diverses sciences-là, ben à ce moment-là, il pourra en bénéficier, puis il pourra construire, puis il pourra développer, puis il pourra ajuster, puis il pourra fine-tuner les éléments, les paramètres de ces sciences-là, qui, au cours de l'évolution de la conscience supplémentaire sur la Terre, seront mis dans une nouvelle lumière. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un individu va faire du yoga, que lui est capable de contenir la vibration, qui peut être astralisante, style les mantras et ces choses-là, et qu'un autre, lui, il va perdre le contrôle? Qu'est-ce qui détermine cet élément-là? C'est pas simplement une affaire de contrôle. Il y a des gens qui perdent le contrôle, il y a des gens qui gardent le contrôle, mais c'est pas parce que tu gardes le contrôle que tu es conscient. Oui. Fait que ça, c'est comme des gens qui font de la course automobile. Il y a des gens qui font de la course automobile, qui perdent le contrôle, ils rentrent dans le mur à Indianapolis, puis il y a des gens qui font de la course automobile, puis qui font de la vitesse, puis ils perdent pas le contrôle. Ça veut dire que le vie est pas en danger. Mm-hmm. Oui, je comprends. C'est la même chose. Ça fait que de pas perdre le contrôle, c'est pas un signe de conscience. C'est simplement un état de conscience, plus éveillé, plus évolué, sont probablement plus proches de leur esprit, mais ne sont pas nécessairement dans leur esprit. Puis la preuve, c'est que il va venir un temps où ces gens-là, qui sont supposément proches dans leur esprit, vont rencontrer des gens qui sont dans leur esprit, puis c'est là que tu vois si un homme est réellement proche de son esprit. Quand tu rencontres des gens dans le monde, surtout moi, je suis dans une situation où je peux rencontrer des gens dans le monde, puis quand tu arrives avec des notions ou des sciences qui sont réellement des sciences chocs, des notions chocs, qui renversent la forme, puis que tu vois des gens qui ont véhiculé dans ces espaces ésotériques-là, puis qui sont capables de voir instantanément parce que tu leur montres, ça, ce sont des gens qui sont proches de leur esprit. Mm-hmm. Même s'ils ont habité des... Ils ont habité, ça fait partie de leur évolution, ça fait partie de leur expérience. Mais quand tu t'es approches ou qu'ils sont approchés avec des connaissances ou une science qui renverse l'évolution ou toutes les notions de l'évolution concernant l'invisible, à ce moment-là, là, t'as des hommes qui sont proches de leur esprit. Fait que c'est une affaire d'évolution. Il y en a des gens, j'en ai rencontré des gens comme ça qui l'ont, cette vibration-là. Fait que pour moi, ça, ce sont des êtres merveilleux. Puis c'est avec ces êtres-là, après ça, que tu peux continuer à construire. Puis ce sont ces êtres-là qui, une fois ajustés, qu'ajustés un petit peu, sont capables d'aller très, très, très loin dans leur développement personnel, dans leur créativité, puis dans leur capacité d'amener vers l'homme une science qui va encore plus loin que ce que l'on a connu pendant l'évolution. Mais ça, c'est la mesure. Mais un homme qui va se boquer, qui va bloquer à la science qui surgira de la conscience supramentale sur la Terre, à ce moment-là, ben, il n'est pas proche de son esprit, mais il peut être très, très proche de son astral. Puis ça, ça fait partie de son expérience, ça fait partie de son évolution. Puis ces gens-là ne pourront jamais, à court ou à long terme, continuer le processus de transmutation, puis bénéficier d'une initiation solaire qui fait partie du contact de l'esprit puis de l'âme. Puis ils recouvreront cette possibilité-là dans d'autres vies, dans d'autres expériences. Bon, sur l'autre cassette, vous avez parlé de la connaissance, comme quoi il y avait des éléments là-dedans qui amenaient inévitablement une forme, avec le temps, de destruction, parce que la connaissance va passer à d'autres stages. Est-ce qu'on peut parler de contenance de la connaissance et de contenance de la science ou supramentale, ou si vous aimez mieux, de la conscience? Est-ce qu'on peut parler de contenance? Est-ce qu'on peut dire un être qui a un doctorat contient de la connaissance, puis un être qui a de la conscience contient sa conscience? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Un être qui a un doctorat contient sa connaissance. Einstein contenait sa connaissance. Puis un être conscient contient sa conscience. Ouais, c'est bien ça. C'est bon? Bon. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un être qui contient sa connaissance ben contenance devant un individu qui contient sa conscience? Oh, c'est pas nécessairement ça. Un être qui contient sa conscience est capable d'amener un être qui contient sa connaissance à pas la perdre sa contenance. Parce qu'il va pas lui créer de... Il va pas lui créer de choc à l'ego. Autrement dit, là, il y a des hommes dans le monde, dans nos universités, dans nos gouvernements, dans nos institutions, il y a des hommes merveilleux qui, comme vous dites, contiennent leur connaissance. Ils ont leur doctorat, ils ont leur expertise. Puis il y a de ces êtres-là qui peuvent rencontrer des êtres conscients, qui contiennent leur conscience, puis qui vont trouver ça intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont trouver ça intéressant? Parce que ils ne sentiront pas d'ego. Puis la grosse clé là-dedans, contenir sa conscience, pour qu'un homme qui contient sa conscience devient, et par le fait même, transparent au niveau de l'ego. Fait qu'à ce moment-là, le problème de territorialité qui existe chez l'être humain qui contient sa connaissance, cette territorialité-là n'est pas mise en danger. Mm-hmm. Puis c'est très intéressant de rencontrer des gens intéressants dans le monde. C'est très intéressant. Il y a des gens dans le monde qui ont toutes sortes d'expertises dans toutes sortes de domaines. Puis tu parles avec eux autres, puis c'est intéressant, puis là, ils vident leur sac, ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures, mais éventuellement, ils n'ont plus de sac. Fait qu'éventuellement, là, tu commences à mettre quelque chose dans leur sac. De plus que ce qu'il y a. Mais il faut que tu leur donnes la chance de vider leur sac. T'as un homme qui contient sa conscience, il est capable d'attendre 10 ans pour que tu vides ton sac. Mm-hmm. Mec, t'as plus rien dans le sac, mais tu vas être content qu'il t'en mette dedans. Fait que, mais ça, c'est contenir sa conscience. Mais si tu ne contiens pas ta conscience parce que t'es allé dans des. T'as accès à des connaissances ésotériques, puis tu penses que t'es quelque chose, puis tu penses que tu sais des affaires que l'autre ne sait pas, parce que l'autre, il vient de Saint-Jérôme, mais à ce moment-là, là, t'as des problèmes. Puis, parce que je sais, par expérience, qu'il y a beaucoup de gens, qui compensent la connaissance ésotérique pour une connaissance classique, laïque, déficiente. Il y a des gens qui sont, ils ont failli à l'école, ils ont lâché l'école, for whatever reason. Ils n'ont pas voulu aller à l'université, for whatever reason. Puis après ça, ben là, ils ont commencé à s'intéresser à l'ésotérisme. Puis ça, l'ésotérisme, ça leur a donné la petite chose que l'autre n'a pas. Fait qu'il y a un orgueil, il y a une féminité là-dedans. Puis quand tu parles avec eux autres, tu t'en aperçois simplement de la façon qu'ils parlent. Fait qu'un gars qui est allé à l'université, un médecin, un psychologue, je ne sais pas, moi, un avocat, ou n'importe qu'un plombier qui a travaillé et qui est allé chercher une expertise dans un domaine quelconque, que ce soit un domaine profane ou que ce soit un profane élitiste, qui a mis un effort à la mesure de son intelligence ou de sa lumière, qui a mis rien à un effort, ou un homme d'affaires. Ces êtres-là doivent être respectés même par les plus grands ésotéristes ou les plus grands plongés ou les plus grands illuminés. Parce que ces gens-là ont réellement quelque chose à apporter dans le monde. Le plombier apporte quelque chose dans le monde. Le médecin apporte quelque chose dans le monde. Fait que c'est là que tu vois si l'ésotériste ou la personne qui est plongée dans les sciences parents a réellement de la conscience ou si c'est simplement un petit baveux philosophique à côté. Alors, le phénomène de la contenance de sa conscience, dans le sens que quand on vit le contact avec la source, vous, ça vous a quand même pris une dizaine d'années à contenir cette conscience-là. Qu'est-ce qui nous empêche de contenir cette vibration-là, qui est très, très, très forte? Parce qu'on n'est pas habitué au jeu de l'intelligence. On ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. On sait qu'est-ce que c'est notre intelligence. Réfléchis. Connaissance. Ouais, la connaissance. Les valeurs de la connaissance. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est le jeu de la connaissance que manifeste l'esprit. C'est quoi? Comment est-ce qu'il dit? C'est quoi? D'abord, qu'est-ce que c'est de l'esprit? Qu'est-ce que c'est de l'esprit? C'est quoi ce gars-là? C'est qu'il mange dimanche? Il va-t-il à la messe? Il a-t-il un corps? Il est-il sur une planète? C'est quoi? T'sais? Fait qu'on n'a pas de paramètres. La part de nous autres, on l'a pas vu. T'sais? Bon. Fait que tout ce qu'on a, c'est de la communication avec. Puis il nous parle. Puis il nous parle dans des registres qui nous conviennent. Pour tester pour voir si on va se faire prendre dans nos formes. Puis comme ça, il est brise avec le temps. Puis finalement, la communication s'éclaircit. Puis éventuellement, mais là, tu dis avec homme-esprit. Ton chum. Mais, on est des êtres humains, on est des êtres spirituels, on est des êtres avec de l'émotion. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas réellement souffert la grande souffrance solaire de l'initié, par exemple. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, on a tendance à cause du fait qu'on a été coupé pendant des siècles de ces plans-là, on a tendance à, puis que ces plans-là ont été catalogués, décrits dans les cabales ou dans l'ésotérisme des religions, on a tendance à les prendre pour du cash, puis on a tendance à les croire, puis on a tendance à traiter avec ces sources-là comme nos grands protecteurs. Puis un jour, on s'aperçoit que ils sont la source, c'est notre grande protection, mais pas à l'intérieur des paramètres ou des conventions de l'ego. À l'intérieur des lois cosmiques, qui sont multiples, puis très évidentes quand tu es conscient. Puis, fait qu'avec le temps, on en arrive à pouvoir traiter. On n'a plus d'émotions par rapport à cette source-là. On n'a plus de sentiments par rapport à cette source-là. On n'a plus d'amour spirituel par rapport à cette source-là. Donc, les formes qui constituent pour l'homme des grandes valeurs humaines, sentiments, émotions, amours spirituels, de ces forces-là que, dans le passé, on appelait les dieux, là, on commence à le casser. On commence à fracturer ces formes-là. Pourquoi? Parce que la source, si c'est une source mentale, nous amène à les casser, à les voir, ces illusions-là. Parce que la lumière nous amène toujours à ce qu'on la voit, alors que l'astral nous amène jamais à ce qu'on voit, le mensonge. Ça qui se cache. Bon. Fait que, éventuellement, on s'aperçoit qu'ils ont toujours raison, ils ont toujours raison. La lumière a toujours raison parce que nous autres, on n'est jamais assez intelligents pour avoir toujours raison. Puis un jour, il vient un temps où on a toujours raison, comme la lumière a toujours raison. Pourquoi? Parce qu'on l'a intégré. Fait qu'à ce moment-là, on a toujours raison, c'est-à-dire qu'on a raison de la lumière. Avoir raison, ça veut dire avoir raison de la lumière. Un homme qui me dirait, bon ben j'ai raison de ma lumière, je dirais parfait, no problem. Mm-hmm. Mais un homme qui me dirait, j'ai raison de mes égrégores, ou par rapport à mes égrégores, ou par rapport à la résonance de la lumière qui passe à travers les plans inférieurs de mon âme, je dirais à ce moment-là, t'as raison, c'est pas intelligent, c'est simplement une vocation au désastre. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est simplement une rationalisation. Tu meubles ton appartement comme tu veux. Mm-hmm. Mais c'est pas tout le monde qui peut y habiter. Bon, mais c'est ça le problème de l'homme. Tandis qu'un homme qui arriverait et qui dirait « J'ai raison, j'ai acquis la raison sur ma source. » Là, à ce moment-là, je dirais « Mais évidemment, c'est ça, faut que tu fasses. C'est ça, faut là que tu fasses. » Puis à ce moment-là, il n'y a plus de problème entre moi et lui. Parce qu'on connaît tous les deux la même game. On a passé les mêmes entrevues. On a tous les deux de la même façon, dans un sens, mais avec des outils différents, dans un autre sens, combattu le Minotaure. Maintenant, la personne qui met en contact régulière avec un individu qui a toujours raison par rapport à sa lumière, elle ne peut pas faire autrement si elle a raison dans ses égrégores, comme vous avez dit. Elle ne peut pas faire autrement que vivre un débordement quelque part. Le mouvement de contact qu'il y a entre un individu qui est vraiment connecté avec sa source et l'autre, il y a un phénomène d'éclatement chez l'individu qui est inconscient, dans le sens qu'il ne peut jamais faire le contour, ou il ne peut jamais saisir ou gripper l'individu qui est en processus de conscience ou qui est conscient. C'est dû à quoi ce besoin chez l'individu inconscient d'aller chercher dans la lumière de l'autre plutôt que d'aller dans sa propre lumière? Les gens diraient qu'ils veulent toujours se nourrir de la source d'un autre. Quand ils reconnaissent un individu comme étant connecté comme vous, là, ils vont plus aller voir à travers vos paroles, vos idées, vos niveaux de perception qu'à travers la leur. C'est dû à quoi ça? C'est parce que c'est... Un homme qui a une conscience, dans un sens cosmique du terme, dans un sens absolu du terme, c'est toujours un chum. Parce que de la conscience, à travers l'homme, c'est toujours créatif. Fait qu'un être conscient, il y a de la conscience créative qui coule à travers lui tout le temps. Fait que c'est toujours un chum. Fait que ça devient un référent pour un certain temps. Puis c'est normal dans un sens que l'homme se greffe à un être qui a un petit peu plus de conscience pour sortir lui-même de ses propres ténèbres, si vous voulez. Mm-hmm. Mais il vient un point où, à cause de cette relation-là, l'homme éventuellement rentre dans sa conscience. Fait qu'éventuellement, celui qui est dans sa conscience, il a moins de travail à faire. Il peut commencer à avoir du plaisir avec l'homme, au lieu d'être toujours en travail avec l'homme. Mm-hmm. Le problème d'un être qui est conscient avec l'homme, c'est qu'il tourne en travail, parce que de la conscience, c'est de la névrose contenue, hein. Tu sais, de la conscience, tu peux pas, ça se bloque pas de la conscience, c'est toujours là de la conscience. Ça regarde tout le temps, ça voue tout le temps. Fait que ça devient fatigant pour un être conscient d'être avec des hommes qui vont pas grandir. Mais s'ils grandissent, c'est content. Mm-hmm. Mais sans ça, c'est du travail qui n'arrête pas, puis ça travaille pas. Puis comme l'être conscient il est toujours mis en vibration,

s'empêchent de savoir, s'empêchent d'être. Puis ils reviennent toujours avec la grande question shakespearienne, to be or not to be. T'sais? To be or not to be. Ou le niaiseux aux Indes qui dit, is it clear? Tu vois-tu un hindou assis dans un ashram me dire, is it clear? J'y crisserais un hostie de choc pour qu'il comprenne qu'il n'y a rien de clear quand il reçoit un claque sa gueule. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.